détruire un vol espoir, idée loin, celui sur lequel nous avons tout misé. L'autre, votre nom. Mais ces gens autour de nous n'acceptent pas, surtout pas, que la vie par nous soit dirigée. I'm completely operational and all my circuits are functioning perfectly.